il n'est pas ici question d'examiner si ces idées sont aussi solides que spécieuses. Enfin, la Grèce en était charmée et préférait les inconvénients de la liberté à ceux de la suggestion légitime, quoique en effet beaucoup moindres. Mais, chaque forme de gouvernement ayant ses avantages, celui que la Grèce tirait du sien était que les citoyens s'affectionnaient d'autant plus à leur pays qu'ils le conduisaient en commun et que chaque particulier pouvait parvenir aux premiers honneurs. Ce que fit la philosophie pour conserver l'état de la Grèce n'est pas croyable. Plus ces peuples étaient libres, plus il était nécessaire d'y établir par de bonnes raisons les règles des mœurs et celles de la société. Pythagore, Thalès, Anaxagore, Socrate, Archytas, Platon, Xénophon, Aristote et une infinité d'autres remplirent la Grèce de ces beaux préceptes.